Ça va du B jusqu'au Y. Ouais, fais des banques de sol unique. Ça va du B jusqu'au A. Ok, ok, ok. Tu connais mon blague. J'ai pas d'armes dans le soutal. Dans les poches, j'ai que dalle. J'ai pas l'air brutal. J'suis pas une caille. Si j'rappe, c'est pour la caille. Faut que j'graille. On ramène la maille et un mic. Que j'me taille. Non, j'suis pas un pimp. J'ai pas de cash ni de hose. Un peu de hache et de beau. Et je ne marche pas mes mots. Ho, j'suis pas mafioso. Ni mytho, ni miso. J'braque personne. Mon nom est personne. Ni acteur, ni gangster. J'joue le rôle de personne. Ni Curtis Jackson. Ni Michael Jackson, Jack, it's my life, à la Phil Jackson. Les gros je ne deal pas, c'est pas gangsta. Les gros je ne kill pas, c'est pas gangsta. J'ai pas fait tôt, c'est pas gangsta. Traîne pas dans le hall, c'est pas gangsta. Les gros je ne deal pas, c'est pas gangsta. Les gros je ne kill pas, c'est pas gangsta. J'ai pas fait tôt, c'est pas gangsta. Traîne pas dans le hall, c'est pas gangsta. Beaucoup d'MC beef, beaucoup d'MC clash. Mais qui fait rentrer le beef, qui fait rentrer le cash. Y'a pas différence comme une gifle et une pas. MC si tu kiffes pas, t'écoutes pas ou tu te casses. J'suis pas une Kaya, j'suis pas un Scar là. J'suis venu faire tomber le masque de cette mascarade. Y'a pas de gangster dans les studios, y'a des grandes gueules. Single rime avec Thug et Gun. J'suis pas Booba, ni G-Unit, ni un de ces nouveaux Tupac qui m'humilite. Moi j'ai juste moi, BD Banks, le seul unique MC, tu connais mon blaze, non? Les gros je ne deal pas, c'est pas gangsta. Les gros je ne kill pas, c'est pas gangsta. J'ai pas fait tôt, c'est pas gangsta. Traîne pas dans le hall, c'est pas gangsta. Les gros je ne deal pas, c'est pas gangsta. Les gros je ne kill pas, c'est pas gangsta. J'ai pas fait tôt, c'est pas gangsta. Traîne pas dans le hall, c'est pas gangsta. Je ne braque pas de brink, j'ai pas de bling bling. Pas ta sans string, donc pas de gang bang. Juste des potes, pas de gang. Donc forcément, pas de bang bang. J'suis pas de la east side, ni de la west side. Gun fix, là où les 10 sont des Aouisa. Évite les 10, les stars et les débousa. Ensuite quand ça pisse, de stocker la pisse. J'suis pas chopi, pas de villa Ibiza. Pas millionnaire, donc sûrement pas de carte bizarre. J'suis pas dealer, donc pas Ginger ni d'Elvira. Pas de Gova, Ferrari ni Porsche Carrera. Ouais ouais. T'entends ça ou quoi? BD Banks, le seul, l'unique. BADY. Eh ouais mon frère, je suis pas gangsta. Je ne deal pas, je ne kill pas. Toi-même tu sais ça papa. Ok, ok, ok, ok, ok. Newman Pack. C'est de la Zik et My Tongue mon frère. C'est le son de l'an 2000 ça. 2005 jusqu'en 2036. On dit quoi là? On dit quoi là?